الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام, الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. Durant le dernier cours, on avait entamé le livre des funérailles, Kitab al-Janaiz. On s'est arrêté à quel hadith? Naam? Al hadith al thalith? Al hadith al khamis wal khamsoun. Intahayna minhu? On va reprendre le 54e hadith, Inch'Allah, parce qu'il y a un souci d'enregistrement. Il n'a pas été enregistré en totalité, donc on va le reprendre. Ce sera un rappel pour ce hadith et apparemment le 155e hadith qu'on a fait. Non. Donc on va les refaire, Inch'Allah, pour qu'ils soient enregistrés. Et on continuera la suite, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Al-hadithu al-rabi'u al-khamsoun ba'da al-mi'ah. Le 154e حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا رواه مسلم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, le prophète صلى الله عليه وسلم a prié sur une tombe après que le défunt ait été enterré. Il a fait 4 takbir, rapporté par Muslim. Al-ma'na al-ijmali. Qad jubila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala mahasin al-akhlaq, wa min dhalika ma attasafa bihi min ar-rahmati wa ra'fah. Ma attasafa bihi min ar-rahmati wa ra'fah. Fama yafqidu ahadan min ashabihi hatta yas'ala anhu wa yatafaqqada ahwalah. فقد سأل عن صاحب هذا القبر فأخبروه بوفاته فأحب أنهم أخبروه ليصلي عليه فإن صلاته سكن للميت ونور يزيل الظلمة التي هو فيها فصلى على قبره كما يصلي على الميت الحاضر. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doté de nobles comportements. Parmi ces comportements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doté de la miséricorde et de la douceur. Ainsi, lorsqu'il ne voyait plus l'un de ses compagnons, il demandait après lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné ou a demandé après celui qui a été enterré. Ils lui ont alors informé de sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait souhaité qu'il l'ait informé avant, afin qu'il puisse prier sur lui. Car la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sérénité pour le mort, et c'est une lumière qui dissipe les ténèbres dans lesquelles se trouve le défunt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors prié au pied de la tombe de cet homme, comme il prie devant un mort présent. Al-ahkam. Awwal al-mashru'iyyah as-salat 'ala al-qabr wa la yultafatu ila man mana'ah li raddih an-nusus bila hujjah. Premièrement, le jugement que l'on retient de ce hadith, qu'il est légiféré de prier au pied d'une tombe, et l'on ne prête pas attention à tous ceux qui viendraient l'interdire, car cela contredit les preuves sans preuve. Car cela contredit les textes sans preuve. Les textes sont clairs sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié au pied des tombes. Et ceux qui viendraient l'interdire contredisent ces hadiths clairs sans preuve. وقيد بعض العلماء بمدة وقيده بعض العلماء بمدة شهر، بعضهم حتى يبلى جسده، وبعضهم جوزه أبدا. وقد جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال ابن القيم: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر في ستة أوجه حسان. Et certains savants ont restreint l'autorisation de prier au pied d'une tombe à un mois. D'autres l'ont restreint jusqu'à ce que son corps ne se décompose. Et d'autres l'ont autorisé, quelle que soit la durée. Et il a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'une tombe qui a été refermée la nuit. Il a dit: quand est-ce que un tel a été enterré? Ils ont dit: hier. Et l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah a dit qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il manquait une prière funéraire d'une personne, il allait se rendre au pied de sa tombe pour y prier. Ceci a été rapporté de six chemins différents qui sont tous bons. Thaniyan, inna salata ala al-qabr mithlu salati ala al-mayyit al-hadir. Deuxièmement, on retient de ce hadith que lorsque l'on prie sur une personne au pied de sa tombe, la prière se fait exactement comme l'on prierait devant un mort qui est devant nous. Thalithan, ma kana alayhi sallallahu alayhi wa sallam min ar-rahmati wa ra'fah wa tafaqqudi al-wahid min ashabihi مهما كانت منزلته. فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقيم المسجد أي تكنسه. Troisièmement, le retient de ce hadith la miséricorde, la douceur qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il surveillait et demandait après ses compagnons, quel que soit leur niveau, quel que soit leur place. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a cité que l'habitant de cette tombe, ou celui qui était enterré dans cette tombe, était une femme noire qui s'occupait du nettoyage de la mosquée, c'est-à-dire du balayage de la mosquée. Maqala al-Mu'allif rahimahullah babun fil kafan al-hadith al-khamis wal-khamsoun ba'd al-mi'ah. Puis l'auteur ouvre le chapitre du linceul, le hadith 155. An Aisha radiyallahu anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi thalathati athwab yamaniyatin bidin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imama rawahu al-Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim. الغريب أثواب يمانية نسجت في اليمن فنسبت إليه مفتوح الياء في الأفصح. ثانيا سحولية بيض نقية ولا تكون إلا من قطن، والنسبة إلى السحل إما إلى البياض والنقاء وإما إلى القصار الذي يبيضها بغسله، وبعضهم جعلها نسبة إلى قرية في اليمن. سنو عائشة رضي الله عنها elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recouvert de trois vêtements yéménites, blancs et propres. Il n'était composé ni de qamis ni de imama, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les termes qui méritent explication dans le hadith: des vêtements yéménites, c'est-à-dire qui ont été confectionnée au Yémen. Et c'est pour cela que ces vêtements lui sont attribués, c'est-à-dire au Yémen. Sahouliyah, cité dans le hadith, c'est-à-dire blanc et propre. Et ces vêtements ne peuvent être que de coton. Et ils ont été attribués à Sahul, soit parce qu'ils sont blancs et propres, ou soit parce qu'ils ont été blanchis et nettoyés par des teinturiers et blanchisseurs. Et certains ont dit que Sahouliya est une affiliation à une région du Yémen appelée Sahoul. المعنى الإجمالي سترة الميت أعظم من سترة الحي وأولى بالعناية ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاث لفائف بيض ولم يجعل له قميص ولا عمامة. Le sens général du hadith. Le fait de recouvrir le mort est plus important que de recouvrir le vivant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recouvert de 3 étoffes blanches et ces étoffes n'étaient ni des qamis ni des imamah. ما يؤخذ من الحديث اولا كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. قال النووي معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها ولم يكن مع الثلاثة شيء هكذا فسره الشافعي. Premièrement, ce que l'on retient du hadith et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recouvert, donc le linceul du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était constitué de 3 étoffes de tissu qui n'étaient ni des qamis ni des turbans. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah a dit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été recouvert ni de qamis ni de imama, mais de 3 étoffes ou de 3 vêtements autres que le qamis et la imama. Et il n'y avait en dehors de ces 3 vêtements rien d'autre. Il n'y avait en dehors de ces 3 vêtements rien d'autre. Ainsi l'a expliqué l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Thaniyan, istihbab al-bayadi wa al-nazafati fil kafan. Deuxièmement, qu'il est recommandé concernant le linceul, qu'il soit de couleur blanche et qu'il soit propre. Thalithan, inna hadhihi al-hal هي أكمل حال التكفين إن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له وكما عرفوا ذلك من سنته أيضا. Troisièmement, que cette façon de recouvrir le mort est la meilleure qui puisse être faite vis-à-vis d'un mort. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les compagnons de son prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la façon la plus complète qu'il voulait pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci également en conformité avec ce que les compagnons connaissaient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'an, وفيه جواز الزيادة في الكفن على اللفافة الواحدة ولو وجد من يعارض في ذلك من وارث أو غريم. Quatrièmement, qu'il est autorisé concernant le linceul de rajouter plus qu'une étoffe, même s'il vient contredire cela des personnes parmi les héritiers ou des créanciers. On l'avait expliqué ça. C'est-à-dire que si des héritiers préfèrent avoir de l'argent supplémentaire plutôt que de financer 2 étoffes de tissu supplémentaires. Ici, Cheikh Al-Bassam dit que l'on a le droit de recouvrir le mort de 3 tissus, même si des héritiers s'y opposent, ou même si des créanciers s'y opposent, des gens qui ont prêté de l'argent à ce défunt et qui préfèrent que l'argent utilisé pour les deux tissus soit utilisé pour rembourser sa dette plutôt que de rajouter des étoffes pour recouvrir le mort de son linceul. Faïda. المستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف والمرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب أن يستر جميع بدن الميت. Remarque de Cheikh al-Bassam rahimahullah. Ce qui est recommandé concernant le linceul de l'homme est qu'il doit être enveloppée de trois tissus. Quant à la femme, elle doit être enveloppée de cinq tissus. Un izar qui vient couvrir le bas de son corps. Un khimar qui vient couvrir la tête. Un kamis qui vient couvrir son corps. Et deux étoffes de tissus par-dessus. Et il est obligatoire de recouvrir l'ensemble du corps du défunt. Il est obligatoire de recouvrir l'ensemble du corps du défunt, et l'on verra par la suite que l'exception est faite pour le muhrim, parce que ça ne peut pas forcément être un hajj, ça peut être aussi un mu'tamir. Non. باب ثم قال المؤلف رحمه الله باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة. الحديث السادس والخمسون. Donc l'auteur ouvre le chapitre de la description du lavage du mort et du cortège funèbre. Le 156e حديث. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه تعني إزاره. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري ومسلم أو سبعا. وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه البخاري ومسلم. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاث قرون. رواه البخاري ومسلم. Selon Umm Atiyya al-Ansariya radiyallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré au moment où sa fille Zainab est décédée. Il a dit, lavez-la trois fois, ou cinq, ou plus, si vous voyez en cela le besoin. Avec de l'eau et du lotus, et mettez dans le dernier lavage du camphre ou un peu de camphre. Et lorsque vous terminez, lorsque vous aurez terminé le lavage, appelez-moi. Umm Atiyya radiallahu anha a dit, lorsque nous avons terminé, nous l'avons appelé. Il nous a donné son izar et a dit, recouvrez lui le corps avec, c'est-à-dire avec son izar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et dans une version de Bukhari Muslim, ou 7, lavez-la trois fois, ou 5, ou 7. Et il a dit, et commencez par la partie droite et par les endroits des ablutions. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et dans une autre version de Bukhari et Muslim, Atiyya radiallahu anha a dit, et nous avons fait et nous lui avons fait trois nattes. Nous lui avons fait trois nattes. Al-Gharib. Ra'aytuna dhalik bi kasri al-kafi li'anna al-mukhatabata untha. ثانيا سدر هو شجر النبق والذي يغسل به ورقه بعد طحنه ثالثا كافور نوع من الطيب من خواصه أنه يصلب الجسد رابعا آذنني أي أعلمنني خامسا حقوه بفتح الحاء وكسرها موضع شد الإزار توسعوا فيه فأطلقوه على الإزار نفسه سادسا أشعرنها إياه الشعار بالكسر ما يلي الجسد من الثياب ومعناه اجعلنا إزاري مما يلي جسدها سابعا بميامنها الميامن جمع ميمنة بمعنى اليمين ومنه قوله تعالى فأصحاب الميمنة. Les termes qui expliquent, qui méritent explication. Ra'aytuna dhaliki. Si vous voyez cela, ici c'est dhaliki, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à des femmes. Deuxièmement, sidr, le lotus qui est la feuille de l'arbre, le lotus. De laver avec du lotus, c'est-à-dire avec les feuilles de cet arbre, après les avoir, après les avoir écrasées, ou moulues, après les avoir moulues. Donc ces feuilles sont prises, elles sont moulues, puis elles sont mélangées à l'eau. Thalithan kafour, le camphre qui est une forme de parfum, et sa particularité est qu'il a la faculté de raffermir le cœur, le corps, afwan, de raffermir le corps. C'est-à-dire de faire en sorte que le corps ne se détériore pas rapidement, qu'il soit conservé un certain moment. Rabi'an, quatrièmement, avinani, c'est-à-dire appelez-moi ou informez-moi. Hiqwahu dans les hadiths, on peut dire hiqwahu ou haqwahu, qui est l'endroit dans lequel on attache le izar, qui est la taille. Mais les savants utilisent ce terme pour vouloir dire le izar directement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Atiya et les femmes qui ont lavé sa fille Zainab radiallahu anha, il leur a dit « Ash'irnaha iya », c'est-à-dire « recouvrez-lui le corps avec, avec son izar ». Et « Ash'ar », c'est le vêtement qui vient de suite coller le corps. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses femmes de prendre son izar et d'en faire la première étoffe qui est posée sur le corps de sa fille Zainab radiyallahu anha. Bimayaminiha, al-mayamin, c'est le pluriel de maymana, c'est-à-dire la droite, d'où la parole d'Allah azza wa jal, ashabul maymana, et les gens de la droite. Al-ma'na al-ijmali. لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غاسلتها وفيهن أم عطية الأنصارية ليعلمهن صفة غسلها لتخرج من هذه الدنيا إلى ربها طاهرة نقية فقال اغسلنها ثلاثة أو خمسة ليكون قطع غسلهن على وتر أو أكثر من ذلك إن رأيتن أنها تحتاج إلى الزيادة على الخمس وليكون الغسل أنقى والجسد أصلب واجعلن مع الماء سدرا وفي الآخرة كافورا لتكون مطيبة بطيب يبعد عنها الهوام ويشد جسدها ووصاهن أن يبدأن بأشرف أعضائها من الميامن وأعضاء الوضوء وأمرهن إذا فرغن من غسلها على هذه الكيفية أن يعلمنه فلما فرغنا وأعلمنه أعطاهن إزاره الذي يباشر جسده الطاهر ليشعرنها إياه فيكون بركة عليها في قبرها. Le sens général du hadith. Lorsque Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez les femmes qui la lavaient. Et parmi ces femmes, il y avait Atiyah al-Ansariyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré afin de leur renseigner comment la laver, pour qu'elle quitte ce bas monde et qu'elle rencontre son Seigneur en étant pure. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lavez-la 3 fois, ou 5, afin que le nombre de lavages soit impair, ou plus, si vous considérez qu'il y a un besoin de la laver plus que 5 fois, et afin que le lavage soit complet, que le corps soit raffermi, et mélanger l'eau à du lotus et le dernier lavage à du camphre, afin qu'elle soit parfumée, une odeur qui éloignera d'elle toutes les bêtes féroces. Car si la personne n'est pas enterrée assez profondément et qu'elle est mal lavée, eh bien son corps dégagera des odeurs qui pourront être perceptibles par des bêtes féroces qui alors dévoreront son cadavre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ses femmes de commencer par les membres du corps, par les membres de la partie droite du corps, et de commencer par les membres des ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, une fois le lavage terminé, selon la description qu'il leur a faite, de le tenir informé. Lorsqu'elles ont terminé le lavage et qu'elles ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné son izar qu'il portait et qui était en contact direct avec son corps pur sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il le place directement sur le corps de sa fille pour qu'il soit une bénédiction pour elle dans sa tombe. Car comme on l'a vu à plusieurs reprises, tout dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam est béni. ما يؤخذ من الحديث سكن وغتين دو حديث أولا وجوب غسل الميت المسلم وأنه فرض كفاية. Premièrement, l'obligation de laver le défunt musulman, et ceci est une obligation qui, lorsqu'elle est accomplie par une partie des musulmans, les autres en sont exemptés. ثانيا أن المرأة لا يغسلها إلا النساء وبالعكس إلا ما استثني من المرأة مع زوجها والأمة مع سيدها فكل منهما فلكل منهما غسل صاحبه. Deuxièmement, que la femme n'est lavée que par des femmes, et l'inverse ou le contraire est vrai. Les hommes ne sont lavés que par les hommes, sauf les exceptions faites à la femme avec son époux et à l'esclave avec son maître. Chacun a le droit de laver l'autre. Thalithan, an yakuna bi thalathi ghasalat, fa in lam yakfi fa khams, fa in lam yakfi zida ala dhalik. وقيض بعض العلماء الزيادة إلى السبع ولكن المفهوم من قوله إن رأيتن ذلك التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة ففي رواية الصحيحين أو سبعا أو أكثر من ذلك وبعد ذلك إن كان ثم خارج سد المحل الذي يخرج منه الأذى. Troisièmement, ce que nous retenons de ce hadith est que le lavage est fait à 3 reprises, S'il ne suffit pas, 5. S'il ne suffit pas, l'on rajoute ce qui est nécessaire. Et certains savants ont restreint le nombre de lavages à 7. Mais ce que l'on retient et ce que l'on comprend de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous considérez cela, in ra'aytuna dhalik, à savoir qu'il les a laissés décider et de prendre la décision selon ce qu'elles auraient jugé comme étant nécessaire et comme étant dans le bénéfice du défunt. Et dans la version rapportée par les deux sahih, al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou 7 ou plus que cela, ou 7 ou akthar min dhalik. Et si après les nombreux lavages, il y a quand même de la l'impureté qui sort des orifices, alors dans ce cas, l'on obstruera les endroits par lesquels sortent les impuretés. Rabi'an, an yaqta' al-ghasilu ghasalatihi 'ala witr, 3 ou 5 ou 7. Que le nombre de lavages est impair, soit 3, soit 5, soit 7. Ou plus, selon l'avis le plus prépondérant, mais dans tous les cas, le musulman doit s'efforcer à ce que le nombre de lavages soit impair. Khamisan, an yakuna ma'a al-ma'i sidr, li'annahu yunaqqi, wa yaslibu jasad al-mayyit, wa anna al-ma'a al-mutaghayyir bit-tahir baqin 'ala tuhuriyyatihi. Cinquièmement, que l'eau doit être mélangée à du lotus, car cela est plus lavant, et cela rend rigide le corps du défunt. Et l'on retient également que l'eau qui a été modifiée par une chose pure a toujours sa faculté nettoyante. Une eau qui est mélangée à une chose pure reste toujours nettoyante. Et pure. Elle reste pure et purifie le reste et purifie les impuretés. Sadisan, an yutayyab al-mayyit ma'a akhir ghasalatihi li'alla yadhhab al-ma' wa yakunu at-tibu min kafur li'annahu ma'a tibi ra'ihatihi yashuddu al-jasad fala yasra'u ilayhi al-fasad. Sixièmement, de rajouter dans le dernier lavage du camphre, afin que l'eau soit bien utilisée. Et que le parfum doit être du camphre, car en plus de sa bonne odeur, il a la faculté de rendre rigide le corps qui ainsi ne se décomposera pas rapidement. Sabi'an, al-bada'atu bi ghusl al-a'dha' al-sharifa wa hiya al-mayamin wa a'dha' al-wudu'. Septièmement, de commencer par laver les membres nobles du corps, à savoir ceux qui sont dans la partie droite et les membres des ablutions. Thaminan, dhafr ash-sha'ri 3 dhafa'ir wa ja'luhu khalf al-mayyit. Huitièmement, de faire 3 nattes avec les cheveux du défunt et de les placer derrière le défunt. Tasi'an, at-tabarruku bi athari an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha shay'un khassun bih, fala yata'addahu ila ghayrihi min al-ulama'i was-salihin. Li'umurin kathira, minha an hadha al-amr لا يلحقه أحد فيه لما بينه وبين غيره من البون الشاسع. ثانيا، أن هذه الأشياء توقيفية لا تشرع إلا بشرع ولا يوجد من الأدلة من يعديها إلى غيره. ثالثا أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوئه ونحوه. رابعا أن التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغلو الذي هو وسيلة الشرك. خامسا أنه فتنة لمن تبرك به وطريق إلى تعظيمه نفسه الذي فيه هلاكه. نفيما Nous retenons de ce hadith qu'il est légiféré de rechercher la bénédiction dans les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une chose qui est propre à lui sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut s'étendre à autre que lui parmi les savants et les pieux, et ceci pour de nombreuses raisons. Parmi ces raisons, que cela ne peut être étendu à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a un fossé immense entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants et les pieux. Deuxièmement, que ces choses, à savoir de rechercher la bénédiction, sont des choses qui sont suspendues à la législation. Elles ne peuvent être légiférées que par Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune preuve qui vient prétendre que l'on pourrait rechercher la bénédiction dans les traces d'une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, que les compagnons savaient qu'Abu Bakr radiallahu anhu était le meilleur de cette communauté. Et il n'a été rapporté par aucun d'eux qu'il faisait avec Abu Bakr comme il faisait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en se concurrençant pour récupérer l'eau avec laquelle a fait ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Quatrièmement, que le fait de rechercher la bénédiction dans autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'exagération qui est un moyen amenant au polythéisme. Khamisan, cinquièmement, que le fait de faire cela sera une tentation pour celui auprès de qui l'on recherche la bénédiction. Et cela sera un moyen qui l'amènera à s'immensifier soi-même et ce sera alors la cause de sa perte. Est-ce que c'est clair ? Thumma yaqulu al-mu'allif rahimahullah. الحديث السابع والخمسون بعد المئة. Le 157e حديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري ومسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف رضي الله عنه الوقص كسر العنق. غريب الحديث. وقصته صرعته فكسرت عنقه. ثانيا لا تحنطوه لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو أخلاط من الطيب تجمع للميت. ثالثا لا تخمروا لا تغطوا. رابعا يبعث ملبيا أي يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذلك شعار الإحرام. Donc le 157e hadith, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: alors qu'un homme était debout à Arafah, c'est alors qu'il tomba de sa monture qui lui brisa le cou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: lavez-le avec de l'eau et du lotus, et faites de son linceul ses deux vêtements. Ne le parfumez pas, ne couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne recouvrez ni son visage ni sa tête. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Waqasathu, c'est-à-dire que la monture l'a effrayé ou a fait en sorte qu'il tombe et qu'il se casse la nuque et qu'il se brise la nuque. Thaniyan, ne le parfumez pas, c'est-à-dire ne mettez ni dans son lavage ni dans son linceul du hanout, qui est un mélange de parfums qui est rassemblé pour et qui est confectionné pour le mort. Thaniyan, ne la tukhammiru et la turatu, ne recouvrez pas. Quatrièmement, yub'athu mulabbiya, il sera ressuscité mulabbiya, c'est-à-dire qu'il sera ressuscité en disant labbayk Allahumma labbayk, qui est, comme vous le savez, l'emblème de l'ihram. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. بينما كان رجل من الصحابة واقفا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما إذ وقع منها فانكسرت عنقه فمات فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه كغيره من سائر الموتى بماء وسدر ويكفنوه في إزاره وردائه اللذين أحرم بهما وبما أنه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيبوه وأن يغطوا رأسه وذكر لهم الحكمة في ذلك وهي أنه يبعثه الله على من مات عليه على ما مات عليه وهو التلبية التي هي شعار الحج. Le sens général du hadith. Alors qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était stationné à Arafat sur sa monture pendant le pèlerinage d'adieu. Il était en état d'ihram et tomba de sa monture et sa nuque se brisa et mourut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à ses compagnons de le laver comme on lave le reste des morts, avec de l'eau du lotus, et de faire de son linceul son izar et son rida, qui sont les vêtements portés par les gens en état d'ihram. Et parce qu'il était en état de sacralisation pour le pèlerinage, et parce que les traces de l'adoration étaient persistantes en lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de le parfumer et de lui couvrir la tête. Car le muhrim n'a pas le droit de se parfumer et n'a pas le droit de couvrir sa tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ou leur a annoncé la sagesse de cela, à savoir qu'Allah le ressuscitera comme au moment où il est mort. Et à savoir la talbiyah, qui est l'emblème du hajj. Ma yukhadu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan, wujubu taghsil al-mayyit annahu fardu kifayah. Premièrement, l'obligation de laver le mort et que cela est une obligation appelée fard kifayi, qui lorsque elle est accomplie par une partie des musulmans, les autres en sont exemptés. ثانيا جواز الاغتسال للمحرم كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب. Deuxièmement, on retient qu'il est autorisé au muhrim de se laver, comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abu Ayyub radiyallahu anhu. ثالثا الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدرا. Troisièmement, l'importance et le soin que l'on doit accorder au lavage du mort et à son nettoyage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on le lave avec de l'eau mélangée à du lotus. Et l'eau mélangée à du lotus permet de mieux nettoyer le défunt. Rabi'an, inna taghayyura al-ma'i bit-tahirat la yukhriju al-ma'a 'an kawnihi mutahhiran li ghayrihi ila kawnihi tahiran bi dhatihi ghayri mutahhirin li ghayrihi kama huwa al-mashhur fi madhhab Ahmad bal as-sahih annahu yabqa tahiran bi dhatihi مطهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. Quatrièmement, ce que l'on retient de ce hadith est qu'une eau modifiée par une chose pure ne sort pas cette eau du fait qu'elle nettoie vers le statut d'être pur sans nettoyer, comme cela est réputé dans le madhhab de l'imam Ahmed. Le madhhab de l'imam Ahmed, ce qui est plus connu et le plus répandu dans le madhhab de l'imam Ahmed, qui est qu'une eau mélangée à une chose pure, cette eau reste pure, mais elle ne peut pas purifier. On peut la boire, elle est pure, mais elle ne nettoie pas. Elle n'a pas la faculté de nettoyer. C'est ce qui est connu dans le madhhab de l'imam Ahmed. Et Cheikh al-Bassam dit « Bal as-sahih » mais ce qui est authentique, c'est que l'eau mélangée à une chose pure, à une substance pure, reste pure en elle en soi, mais aussi purifie et nettoie les impuretés, comme cela est l'avis de la plupart des savants, et c'est également l'une des deux versions rapportées par l'imam Ahmed. Est-ce que c'est clair? Khamisan, wujubu takfin al-mayyit wa anna al-kafan muqaddam 'ala haqq al-gharim wal-wasiy wal-warith. Cinquièmement, l'obligation de recouvrir le mort de son linceul, et que le linceul prévaut sur les droits des créanciers de celui qui a été testé et de l'héritier. Al-Wasi, celui à qui le défunt a écrit un testament en lui léguant une partie de ses biens. Le gharim, le créancier, c'est celui qui a prêté de l'argent ou des biens au défunt, et le warith qui est l'héritier. Avant de donner à chacune de ces catégories le droit qui est le leur, on doit d'abord prendre en charge le linceul du mort et de préférence des biens de ce mort, de l'argent du défunt. سادسا تحريم تغطية رأس الميت المحرم والوجه للأنثى. Sixièmement, l'interdiction de recouvrir la tête du défunt muhrim et de recouvrir le visage pour les femmes. ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا. Le visage pour les femmes en état de sacralisation. ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا بقياس الأولوية أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي. قال ابن دقيق العيد الحديث دليل على أن المحرم إذا مات بقي يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة. لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس. ويؤخذ donc le retient de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. On retient de cela al-qiyas ou al-awlawiyya. C'est-à-dire que ce qui est interdit à faire vis-à-vis du muhrim mort, il est encore plus interdit de le faire pour le muhrim vivant. Si on n'a pas le droit de couvrir la tête et de parfumer le muhrim défunt, eh bien, il est encore plus interdit de le faire pour le muhrim vivant. Et l'imam Ibn Daqiq al-Eid dit, il y a dans le hadith une preuve que le muhrim, lorsqu'il meurt, reste sur lui ou sont appliqués sur lui les jugements de l'ihram. Et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. On contredit cela à l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik en disant, et c'est ce qui est conforme au qiyas, à l'analogie, car la personne n'est plus en état d'adoration et elle n'est plus responsable de ses actes. Mais de suivre le hadith prévaut sur l'analogie. Si l'on suivrait l'analogie, on aurait dit que la personne qui décède, l'adoration ne lui est plus obligatoire et elle n'a plus de compte à rendre vis-à-vis de ce qu'elle n'a pas pu terminer à cause de son décès. C'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa. Mais comme le dit l'imam Ibn Daqiq al-Eid, mais de suivre le hadith prévaut sur le qiyas. Le hadith est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parfumer et de couvrir la tête du défunt muhrim. سابعا تحريم الطيب على المحرم حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى لأنه ترفه وهو مناف للتوحيد وهو مناف للإحرام. Septièmement, l'interdiction de se parfumer pour la personne en état de sacralisation, qu'elle soit vivante ou morte, que ce soit un homme ou une femme, car cela est du tarafuh. Qu'est-ce que le tarafuh? Qui connaît? Tarafuh, c'est... Comment on pourrait traduire? C'est le bien-être. C'est le fait de jouir d'un bien-être. Car le muhrim, il ne se parfume pas, il ne se couvre pas, il est dans une posture d'humiliation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit donc, et le fait de, par exemple, de ne pas se parfumer, le fait de ne pas se couvrir la tête, le fait de ne pas porter un qamis, le fait de ne pas d'être dans cette situation d'humiliation vis-à-vis d'Allah azza wa jal, le fait de se parfumer serait un bien-être qui viendrait contredire cet état de sacralisation dans lequel le musulman se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala. ثامنا أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والأشنان والصابون غير المطيب ونحوها. Huitièmement, on retient de ce hadith que le muhrim, qui est en état de sacralisation, il ne lui est pas interdit de toucher des choses qui ne sont pas parfumées, comme le cèdre, comme le lotus, comme al-ushnan. Al-ushnan, qui est une chose connue chez les Arabes, qui est utilisée pour se laver les mains, comme cela est cité dans لسان العرب معروف والذي يغسل به الأيدي والصابون غير المطيب et les savons non parfumés ou autres. تاسعا جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة. Neuvièmement, qu'il est autorisé de se contenter vis-à-vis du linceul d'un ézar et d'un rida. Et de cela, l'on sait qu'il suffit, ou le minimum demandé en termes de linceul pour le mort est une seule étoffe. Car le ézar et le rida, qui sont les parties inférieures, ce qui recouvre la partie inférieure et supérieure du corps, sont considérés comme une seule étoffe. عشرا فضل من مات محرما وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة حين يبعث عليه. Dixièmement, que celui qui meurt en état d'ihram, que ses actes ne sont pas interrompus jusqu'au jour dernier, car il sera ressuscité dans cet état. C'est-à-dire, de sa mort jusqu'au jour du jugement, il est considéré comme muhrim. Et des hadiths sont nombreux qui viennent montrer le mérite de celui qui meurt avant d'avoir fait son pèlerinage. Un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, dans lequel le sens, je ne connais pas les termes exacts, mais le sens, c'est sûr, c'est celui-là, que celui qui meurt avant d'accomplir, celui qui voyage pour accomplir le pèlerinage et qui meurt durant son voyage, il lui sera compté un pèlerinage jusqu'au jour du jugement. Un pèlerinage chaque année jusqu'au jour du jugement. Ihda ashar anna man shara'a fi 'amalin salih min talabi 'ilmin aw jihadin aw ghayrihima ومن نيته أن يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة. Onzièmement, que celui qui entreprend un acte pieux, comme l'apprentissage de la science ou le jihad ou autre, et son intention étant de l'accomplir et de le terminer, mais meurt avant cela, eh bien, sa récompense perdurera jusqu'au jour du jugement. Sa récompense perdurera jusqu'au jour du jugement. On aktafi bihad al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.